Page 277. Exercice 4. 1. Nous sommes désagréablement surpris par la qualité de ce travail qui n'a rien de professionnel. 2. J'ai entendu cette sonate de Mozart, très mal jouée par ce pauvre débutant. 3. Nadine m'a raconté ses malheurs sur un ton dramatique. Oh, c'était ridicule. 4. Michel et moi sommes très heureux. Nous nous entendons extrêmement bien. 5. Oui, je sais, ma chérie. Les professeurs sont beaucoup trop sévères. Tous les élèves disent ça. 6. Comme mon chef vient de vivre un drame familial, je suis resté discret sur mes critiques. Je n'ai rien dit.